En fait, d'abord, je voudrais faire un petit retour en arrière. Ah. Suite à ma bio au Bifidus Actif d'il y a 15 jours, consacrée à Buzz l'éclair, ah, bah, voyez. Dans laquelle j'expliquais que Buzz avait un penchant pour Andy, le petit garçon du film, la station a reçu de nombreuses plaintes de membres de la famille de Buzz indignés. À tel point que la direction de Radio Air Show m'a dit « Maintenant, Jean-Paul, ça suffit, on arrête les conneries. » Mais de quoi ? On porte atteinte à la liberté des chroniqueurs ? Je suis un chroniqueur libre, moi, monsieur. Et c'est pas parce que je reçois un salaire qui relègue au rang de smicard ce pauvre Carlos Tavares, PDG de chez Peugeot, que je me tairai. On ne me musellera pas avec de l'argent. Ni mes camarades, d'ailleurs. Même si je sais que ceux-ci ont de gros besoins. Léa, pour se payer un nouveau tatouage 4 fois par jour. Thibaut, pour se fournir en vanne auprès des meilleurs standupers new-yorkais. Merci, merci. Florian, dont le budget petite culotte ferait pas lire dans le ville dressing de Victoria Beckham. Et Gilles. Gilles. Qui dépense une fortune pour augmenter sa collection de pantoufles charentaises fabriquées en Espagne. C'est vrai. Et il en a aujourd'hui 2428. Ah oui, quand même. Non, messieurs les censeurs, nous ne nous tairons pas. Et pour bien vous montrer qu'on n'arrête pas les conneries, je vais consacrer ma bio d'aujourd'hui à Sean Connery. Oh là là. Ça, c'est du lancement. Ça, c'est fou. Sean Connery est né en Écosse. L'accouchement s'est mal passé car l'enfant s'est présenté en plusieurs morceaux. Oui, il était en kilt. Oui, comme chez Ikea. Du coup, au départ, on l'appelait Qu'est-ce que c'est que c'est ? Avec un K. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Pas facile à prononcer comme prénom. Du coup, j'ai perdu ma ligne. Ça, c'est con. Oui, du coup, il avait beaucoup de peine à prononcer le prénom. Du coup, on l'a appelé Sean. Voilà. Voilà, voilà. Alors, comme ses deux parents étaient en jupe, on pourrait facilement déduire qu'il n'avait pas de père. C'est faux. Il avait même une sacrée. Qui se balançait tranquillement, l'air libre sous son kilt. Du coup, Hollywood, qui cherchait un type viril pour jouer le rôle d'agent secret près de Mae James, le choisit. Sean, écossais et fier de l'être, exigea alors de jouer en kilt. Ce qui n'alla pas sans poser des problèmes. Dans les scènes où il retrouvait Natasha ou Tatiana, ou les deux à la fois, allongés langoureusement sur son lit, il y avait toujours un moment où un assistant criait « James Bond ! Coupé !» Craignant d'être émasculé, Sean renonça alors à jouer en kilt. Il renonça également à jouer dans la version X des films de célébration, espion, le meilleur étant bien entendu l'incontournable Godfinger. Oui, je sais. James Bond a de la chance. Il réussit toutes ses missions grâce à ses gadgets. On peut dire qu'il est du Q. Qu'est-ce que je suis drôle, oui, je sais, on m'appelle le 0010 de l'humour, permis de faire mourir de rire à une réaction immédiate sur hashtag Pantex. Sans doute un admirateur, j'imagine. Vous êtes le 0010 de l'humour. D'accord. Entre nous, c'est vraiment utile, Twitter. Il aurait pu en mettre plus parce que c'est 142 caractères. Ah, on est vraiment utile, on doit le garder, quoi. Ah, une autre réaction quand même, tout de suite, là. 007, est-il couché avec Blanche-Neige ? C'est nain, non mais c'est n'importe quoi. Alors politiquement, Sean Connery est indépendantiste écossais et sans doute socialiste, puisqu'il accepta de jouer dans Le Nom de la Rose, un film financé par le PS et réalisé par un seigneur, Jean-Jacques Hano. On murmure d'ailleurs que le Parti Socialiste sera en préparation d'un nouveau film. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le titre, on hésiterait entre Les Derniers Jours de Pompéi, Apocalypse Now ou Titanic. Ah, une réaction sur hashtag Pantex, on me suggère un titre, prends l'oseille et tire-toi. Désolé cher internaute, mais ce titre a déjà été réservé par les Républicains. Alors Sean Connery a eu officiellement deux Golden Globes. J'ai dit officiellement, car en fait il en a eu bien davantage si on pense à toutes les actrices à forte poitrine qu'il a pris dans ses bras. Il est clair qu'il ne se contentait pas de faire le tour du globe. On pourrait même imaginer qu'il ait pris du plaisir. Et pourtant, il est temps maintenant de vous dire la vérité vraie. En 2000, Sean Connery a été anobli par la reine. Et depuis, on l'appelle sœur. Ce qui lui permet de se promener tranquillement en jupette à Malaga, de sucer des glaces de boule, et d'assumer enfin son homosexualité. Oui, je pense aujourd'hui pouvoir le révéler sans risque. Sean Connery a 85 ans. Il y a quand même très très peu de chances que ses parents indignés viennent se plaindre à la radio, non ? Je vais donc pouvoir continuer à dire des conneries. Merci. Bravo, bravo. Bravo Jean-Paul. En forme, Jean-Paul.